noces, quand les garçons vont aux noces, quand les garçons vont aux noces, quand les garçons vont aux noces. Voyez-vous que c'est pour danser la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Voyez-vous que c'est pour danser la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. C'est pour aller voir les filles, c'est pour aller voir les filles, c'est pour aller voir les filles, c'est pour aller voir les filles. Les plus belles à l'angue, la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Les plus belles à l'angue, la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Ils leur disent ma mignonne, ils leur disent ma mignonne, ils leur disent ma mignonne, ils leur disent ma mignonne. Faut connaître avant d'aimer la ridée. La belle voudrais-tu m'aimer la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Comment veux-tu que je t'aime, comment veux-tu que je t'aime, comment veux-tu que je t'aime, comment veux-tu que je t'aime. Tu ne m'as encore rien donné la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Tu ne m'as encore rien donné la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée. Faut connaître avant d'aimer la ridée. Croyez-vous que c'est pour danser la ridée, ne faut connaître avant d'aimer la ridée.